Le mot pour dire aujourd'hui est heute, avec un H fortement aspiré au début. Heute. En fait, aujourd'hui et heute ont la même origine latine et on retrouve dans heute le H du oui de aujourd'hui. Sauf qu'en allemand, le H est fortement aspiré. Heute. Comment dit-on aujourd'hui? Heute. Heute s'écrit H-E-U-T-E. Le H est fortement aspiré. Heute. Et E-U se prononce toujours oi. Heute. Heute. Donc, voulez-vous venir aujourd'hui? Se dira. Wollen Sie heute kommen? Wollen Sie heute kommen? Donc le second verbe, ici, kommen, le second verbe est toujours à la fin et c'est un infinitif. Comment diriez-vous « Voulez-vous manger avec moi aujourd'hui ?» Wollen Sie mit mir heute essen? Wollen Sie mit mir heute essen? En fait, on dira plutôt « Wollen Sie heute mit mir essen ?» Heute porte sur toute la phrase. On le place donc le plus tôt possible dans la phrase, mais l'essentiel est que le second verbe, ici « essen », soit bien en dernière position. Comment diriez-vous « Que voulez-vous manger avec moi aujourd'hui ?» Was wollen Sie heute mit mir essen? Bien. Was wollen Sie heute mit mir essen? Encore une fois, comment dit-on aujourd'hui? Heute. Heute, oui. Et le mot pour soir est Abend. Abend, comme dans Guten Abend. Guten Abend, qui veut dire bonsoir. Abend s'écrit A-B-E-N-D. En effet, à la fin d'un mot, le D allemand se prononce comme un T. Abend. Abend. Abend. Eh bien, pour dire ce soir en allemand, on dit aujourd'hui soir. Comment direz-vous ce soir? Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend. Et comment diriez-vous « Voulez-vous venir ce soir ?» Wollen Sie heute Abend kommen ? Wollen Sie heute Abend kommen ? Comment diriez-vous « Voulez-vous manger avec moi ce soir ?» Wollen Sie heute Abend mit mir essen ? Wollen Sie heute Abend mit mir essen? Le second verbe, essen, est bien placé en dernière position. Quant à heute Abend, ce soir, il vient juste après wollen Sie, pour montrer qu'il porte sur toute la phrase. Wollen Sie? Voulez-vous? Ici, vous posez donc une question, mais dans une phrase, wollen Sie peut aussi être utilisé pour donner poliment un ordre à quelqu'un. Wollen Sie a alors le sens de « Veuillez faire ceci, s'il vous plaît ». Par exemple, « Veuillez manger avec moi ce soir », comment diriez-vous « Veuillez manger avec moi ce soir » ? Wollen Sie heute Abend mit mir essen ? Wollen Sie heute Abend mit mir essen ?